Bonsoir tout le monde, comment vous allez? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 536. Oui, 536 surérigé et quelques milliers d'autres avant, puisque cette émission a débuté en 1984 quelque part, et comme mon anniversaire c'est en avril, j'ai décidé arbitrairement que j'avais dû la créer autour de mon anniversaire. Donc on se donne rendez-vous le 6 avril 2024 pour fêter les 40 ans de cette émission, on a le temps d'en parler encore. En tout cas, c'est la 39e saison qui a démarré au mois de septembre, et l'album de la semaine, c'est l'album Electric Arguments, sorti par Paul McCartney en 2008. On écoutera 6 extraits, il y aura Highway, Light from Your Lighthouse, j'ai l'habitude de chanter un peu, mais cette fois-ci, je vais m'abstenir. Il y aura Is This Love, Sing the Changes, Traveling Light, The Sun is Shining, même Sun is Shining, tout court. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, Instant Karma, We All Shine On. Harrison, ce sera Isn't It a Pity. Ah, oui, quelle belle chanson. Et dire qu'elle a été faite avec les Beatles et que McCartney et Lennon lui ont dit ouais, ouais, on la met de côté. Pour Ringo Starr, ce sera Bokoops of Blues, extrait de l'album éponyme Bokoops of Blues. Et quant aux Beatles, c'était en 1963, mais figurez-vous qu'il y a, il y a 59 ans, il disait « L'argent, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je veux même. » Money, that's what I want. Et quasiment 60 ans plus tard, c'est toujours valable. L'argent, c'est ce qu'on veut. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La Saga des Fab Four. On me dit que je parle souvent vite. Alors il va falloir que j'essaie de parler un peu plus doucement pour que vous arriviez à comprendre. Mais il faut que je garde votre attention. Donc, on parlera un petit peu vite parfois quand même. Je sais que vous aimez quand je parle comme ça. Donc bonsoir à toutes, à tous et aux autres. Et on va commencer tout de suite après ce générique par Highway, qui avait donné un superbe titre en live il y a quelques années par M. Paul McCartney. Yeah.

Voilà ce qu'on pouvait dire sur Instant Karma. Il y en avait beaucoup plus long, mais j'ai choisi de raccourcir un petit peu parce que vous êtes impatient d'écouter Isn't It a Pity dans la version 2020, c'est-à-dire sans le style de Phil Spector, qui est d'ailleurs sur la chanson Instant Karma. C'est la première fois qu'il travaillait avec John Lennon en solo. Il y avait Phil Spector sur l'album All Things Must Pass, mais là, en 2020, ils ont décidé de ressortir l'album en enlevant côté Phil Spector. C'est un nouvel album, on a l'impression. C'est merveilleux, on entend plus d'instruments, on entend beaucoup mieux la voix de George Harrison. Écoutez, Isn't It a Pity sur RIG. That surrounds them. ce qu'on entend là. On a entendu juste avant là, George Harrison répéter quelque chose qu'on n'avait jamais entendu avant dans la version originale. Ça vaut vraiment le coup de re-acheter le coffret pour avoir cette version épurée, absolument fantastique de l'album All Things Must Pass. Et dire que dans le documentaire en 8 heures, là, qui a eu, je crois que c'est 8 heures, c'est 6 heures ou 8 heures, celui qui a remplacé le film Let It Be, on voit bien que George essaie d'amener des chansons. Il a amené All Things Must Pass, qui a été travaillé un petit peu avec les Beatles. Il a amené d'autres chansons. Et à chaque fois, un refus poli, ouais, on va la mettre de côté et puis on verra. Il n'a eu que deux chansons, I'm In Mine et For You Blue, sur l'album Let It Be. C'est peu, hein, vraiment. Sur la fin, George Harrison avait gravi peu à peu les échelons, était devenu aussi bon que ses deux potes Lennon et McCartney, mais par orgueil, sans doute, McCartney et Lennon ne voulaient pas céder. C'est-à-dire que 1970, quelque part, ça peut se comprendre que les Beatles se soient séparés parce qu'il n'y avait plus deux têtes pensantes, mais il y en avait trois, depuis déjà deux ou trois bonnes années, et ben, il n'y avait pas assez de place. Ringo Starr, c'est le bon copain, donc lui, il serait resté, il aurait continué. Mais bon, et d'ailleurs, le truc marrant, c'est que Ringo Starr, en 1970, il sort deux albums, l'album Sentimental Journey et l'album Bokoops of Blues, alors que George Harrison va sortir un double album, qui est en fait un triple album, puisqu'il y a un album de jam, qui est un peu moins intéressant, mais qui est bien quand même, qui fait un peu plus années 70, mais un album, un chef-d'œuvre, All Things Must Pass. McCartney va sortir son album McCartney, et Lennon va sortir Plastic Ono Band, voilà. Et donc je disais, Bokoops of Blues, enregistré à Nashville pour Ringo Starr, et cette chanson éponyme, Bokoops of Blues, sur RIG. Ah, c'est tranquille, là, c'est beaucoup plus tranquille. I left Louisiana, I had me big plans, to go out and take me all over this land, to see me the world. I left my sweet girl and gave it a whirl, but now here I stand alongside the road with holes in my soul in my shoes and buku's the blue. The freedom should bring. I see me today and know yesterday, or I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely, wants only to lose. Buku's the blue. Ce style va très très bien à Ringo. On a écouté tour à tour Paul McCartney avec Highway, Lennon avec Instant Karma, We All Shine On, George Harrison avec Isn't It a Pity, version 2020, le mix de 2020, et à l'instant Ringo Starr, Bokoops of Blues. Avant de retrouver les Beatles et Money, That's What I Want, il faut qu'on parle du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. C'est celui qui est tenu par Lovely Rita en Angleterre, à Londres, oui. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com, 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, en théorie, s'appelle The Fireman, mais arrivé à cette époque-là, en 2008, c'est une... Tout le monde sait que c'est Paul McCartney, The Fireman. Alors bon, il va apparaître, il va chanter, alors que dans les deux albums précédents, sous le nom de The Fireman, il ne chantait pas. Et cet album aurait dû s'appeler McCartney. Je ne vois pas trop pour quelle raison il l'a appelé The Fireman. Mais bon, allons-y pour The Light from Your Lighthouse sur RIG. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and troubled stars sliding across the light, it's hard for me to see which road I've gotta take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let's shine on, let's shine. Let's shine on, let the light. trois albums sous le nom de The Fireman. Le premier avait été en 1993. Ça s'appelait Strawberry Ocean Ship Forest. Et le suivant, en 1998, Rushes, qui était déjà plus climatique, on va dire. Alors que l'autre, le précédent, que je trouve franchement moins bon, la Strawberry Ocean Ship Forest, c'était plus de l'électro, quelque chose comme ça. Et puis là, pour le troisième album, il a attendu un bon paquet d'années, puisque c'est en 2008 qu'il a sorti, mais ça valait quand même le coup, puisque là, ce sont des chansons structurées pour la plupart. C'est, quelquefois, ça dure longtemps, 6-8 minutes, ça peut arriver. Mais j'aime beaucoup cet album, il y a de très très bonnes choses. La preuve, il a quand même sorti deux chansons pour chanter en concert, Sing the Changes et Highway. Et on les écoutera dans la saga des Fab Four. Donc, il a fait quand même pas mal et bien autre chose que seulement Yesterday. Or, en 1971, alors qu'il était en plein dans « Je t'aime plus mon frère », John Lennon compose une chanson qui s'appelle « How do you sleep ?». C'est vrai que elle n'est pas très gentille, cette chanson-là. Il le reconnaîtra lui-même plus tard, John Lennon, et il prétend que ça le concernait lui surtout. Moi, je trouve que quand on écoute les paroles, quand il dit « La seule chose que tu aies faite, c'est yesterday, et depuis que t'es parti, tu as fait juste another day, un autre jour », c'était le moment où il sortit la chanson « Another day » Paul McCartney. Il dit ces emmerdeurs avaient juste quand il disait que tu étais mort. C'est dur, c'est très très dur. Et dire qu'il y a George Harrison sur cette chanson aussi. Voici How Do You Sleep sur RIG dans la saga des Fab Four. We'll be right back.

première chanson Rock and Roll Music était extraite de Beatles for Sale en 1964. Quelle belle année. Et celle-ci aussi date de 1964, mais d'un autre album, l'album A Hard Day's Night, If I Fell, parce qu'il était nécessaire d'intégrer les morceaux dans un scénario déjà écrit. Il avait été convenu dès le départ qu'il n'y aurait pas de chanson d'amour dans le film. John dut chanter cette chanson d'amour à Ringo. Oui, nous sommes dans un studio de télévision et Ringo est censé ne pas avoir le moral, raconta Paul en 1964. John commence à plaisanter et se met à chanter cette chanson comme si on s'adressait à Ringo. Il était difficile de garder son sérieux et nous avions beaucoup ri en tournant cette scène. If I Fell est l'une des plus belles chansons de John et l'une des plus révélatrices. Elle parle d'une relation extra-conjugale. Il demande à sa maîtresse de lui garantir que s'il quitte sa femme pour elle, elle l'aimera plus qu'il ne l'a jamais été. C'est l'histoire de quelqu'un qui refuse toute confrontation. Il sait que sa femme souffrira s'il la quitte et n'acceptera de le faire que si sa maîtresse s'engage envers lui. John raconte plus tard que cette chanson était semi-autobiographique et l'on sait qu'il n'était pas fidèle à sa femme Cynthia, laquelle à l'époque ne se doutait de rien. « Bien sûr que je suis un lâche », expliqua-t-il en 1968, alors qu'un journaliste lui parlait de son premier mariage. « Je n'avais pas le courage de quitter Cynthia et de vivre seul. » Tu parles de vivre seul quand on est un Beatles, c'est pas longtemps. John disait de If I Fell qu'elle était sa première ballade réussie et qu'elle annonçait In My Life, qui serait construite sur les mêmes accords, sur le même accord même carrément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle chanson de 1964. On va faire un bond dans le temps pour arriver en 1983. Et sur l'album Old Wave, donc Vieille Vague, de Ringo Starr, dans laquelle il apparaît, je pense qu'il devait avoir entre 15 et 17 ans, un truc comme ça, sur la pochette de l'album, eh bien, il nous chante Picture Show Life. Il y a longtemps que je ne l'ai pas passé, et je sais que vous aimez cette chanson-là, sur R.I.G. R.I.G. 90.7, la radio des Beatles. Hollywood is waltzing, doing that double talking. Anything they could do to make it through another L.A. night. And can you imagine all those girls are strolling, all the boys are holding. They do it to make it through another L.A. night. In a picture show life, in their own little world, in their own little space, they can be who they want to, in their own little imagine all the girls are smiling, all the boys are trying, anything they can take to burn away another L.A. night, in a picture show life. Can you imagine all those girls are strolling, all those boys are holding, they're doing the best to make it through another L.A. night, in a picture show life. En plein cœur de la saga des Fab Four numéro 536, l'album de la semaine, c'est Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. En voici un nouvel extrait, Is This Love, Paul McCartney sur RIG. to me. Restez, j'ai encore autre chose dans le panier. Vous allez voir, ça va changer. Dans quelques secondes, ça va peut-être même vous étonner. Ça n'était pas un Ringo Starr qui chantait « Don't Come Easy », c'était George Harrison qui lui montrait comment on chantait cette chanson-là. Et comme c'est George Harrison, il n'a pas pu s'empêcher de rajouter des Hare Krishna qui, heureusement, ont été enlevés de la version définitive par Ringo ou le producteur de Ringo, je ne sais pas. Mais c'est pas plus mal de les enlever, ça n'est pas forcément nécessaire. Bref, vous savez que nous sommes en octobre 2022, je ne vous cache rien. Par contre, que s'est-il passé en octobre 1962 qui marque en principe qui est le point de départ de la saga des Fab Four? Quelquefois, je triche et je passe des morceaux qui datent d'avant, mais en principe, le principe de la saga des Fab Four, c'est de octobre 1962 avec la sortie de Love Me Do jusqu'à nos jours. Eh bien, je vous ai trouvé une version de Love Me Do qui n'est pas faite ni par Andy White pour l'album, le premier album des Beatles, Please Please Me, qui est sorti en 1963. Ni par Ringo Starr qui a eu son mot à dire sur le 45 tours, mais par Pete Best encore avant. On l'entend, la batterie, que c'est pas aussi métronomique que Ringo Starr. Voici Love Me Do avec Pete Best à la batterie. J'ai retrouvé ça sur un album qui s'appelle The Many Faces of the Beatles, sorti en 2016. Voici le titre. Écoutez, Love Me Do qui fête ses 60 ans, là, maintenant. Ces années-là, parce que j'aime bien aussi passer les débuts des Beatles. Voici tour à tour Please, Please Me et From Me to You, ainsi que I Want to Hold Your Hand sur RIG. Come on, come on, come on, come on, come on, please, please, we won't let that die. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Quasiment 60 ans sur ces trois chansons-là. I Want to Hold Your Hand, il y a eu auparavant From Me to You et Please Please Me, bon, ainsi que Love Me Do dans une version différente. Et c'est bien de temps en temps de réécouter ces vieilles chansons bon sang. Quand j'ai commencé à les aimer, elles avaient une vingtaine d'années, à peine, quelque chose comme ça. Et maintenant, elles en ont 60, ça veut dire que le temps passe, voilà, on va dire. Et c'est ce que je voulais dire surtout, c'est ce qui est impressionnant, c'est que vous avez entendu ces chansons de la première partie de vie des Beatles, Donc 1963, et quand vous pensez que 4 ans plus tard, il nous faisait Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, qu'est-ce que c'est 4 ans? C'est rien. Dans les années 60, la musique a plus progressé que n'importe quand auparavant et même après, je pense. La musique a progressé énormément et les Beatles en ont fait partie et ont même été les leaders souvent dans ces moments-là. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Electric Arguments de The Fireman, alias Paul McCartney, en 2008. Voici l'autre chanson qu'il chante régulièrement, enfin qu'il chantait à cette époque-là, en live. Ça s'appelle Sing the Changes. De toute façon, dès que dans une chanson il y a eu ah, wow, wow, wow, ça marche en public tout le temps. C'est bon. Paul McCartney en 2008 sur l'album Electric Arguments. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par Paul, John, George ou Ringo, que ce soit avec les Beatles ou en solo, même si eux-mêmes faisaient déjà à l'époque, soit en solo, soit avec les Beatles, la reprise de quelqu'un d'autre. Du moment que ces quatre-là l'ont chanté et que quelqu'un d'autre là, que je vous présente, le chante. Là, il s'agit donc d'un pair, P-A-I-R, des Beatles. Il s'agit de Fats Domino, qui nous chantait une chanson que Paul McCartney a reprise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Je ne l'avais pas à disposition, je l'aurai sans doute pour une prochaine fois, mais je l'ai dans mes affaires, mais elle n'était pas sur l'ordinateur. Je n'ai donc pas pu vous la proposer après. Le morceau, c'est « I want to walk you home » en 1959 sur un single de Monsieur Fats Domino. La voici, cette cover des Beatles, enfin, cette cover de la saga des femmes, c'est plus juste. « I want to walk you home. » So good to me. Ooh, I wish I was a lucky guy who could walk you right on, darling. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to break your heart, but if I ask you for a deed, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Please let me hold. Rubrique suivante dans la saga des Fab Four, vous savez, ça vous fait rire à chaque fois parce que vous avez l'impression que je vais dire un gros mot, les fils d'eux, oui, les ressemblant à, presque comme les Beatles. Là, c'est vraiment un fils d'eux, c'est le fils de John Lennon, c'est Julian Lennon, sur son album Photograph Smile en 1998, et il nous chante la chanson Believe. C'est très joli, ça fait pas mal John Lennon, mais c'est du Julian sur RG. Into just wanna be free, so I can release my selfish pride. It's hard for us to dry our crying eyes. It's no surprise to see if we be. Strength inside of us to last the rest of our lives. Never break away, never let go. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Reprise rock par les Beatles en 1965, ça vaut quand même le coup. Et puis, la voix de John, tout comme la voix de Paul sur du rock, c'est inestimable. Voilà l'album de la semaine. L'album, c'est The Fireman, alias Paul McCartney, et c'est Electric Arguments sur RIG, Traveling Light. à peu près 25 minutes, ce sera Eric et son étonnant Johnny de A à Z. Vous allez voir, ça va être du très très très bon. Si on continue avec du bon rock and roll, d'ailleurs, comme fait Eric avec son Johnny. Voici Johnny, mais en fait John Lennon en 75 avec Bonnie Maroney. Ça va rouler. RIG 90.7, la radio des Beatles. Et l'album Rock'n'Roll, mais quelques années auparavant, justement, en 1968, il y avait des chansons beaucoup plus douces, Julia par exemple, de John Lennon, et I Will de Paul McCartney, mais dans l'autre sens, I Will d'abord, Julia ensuite, et c'est sur RIG 90.7. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever. Love you with all

tout à l'heure, du moment que cette chanson a un nanana, ça aurait pu passer en concert aussi. On verra bien. Il va sûrement venir en France. Il était en France, tiens, hier ou avant-hier, pour le festival, le défilé de sa fille. Sympa, Paul. Viens à Bordeaux, viens nous dire bonjour à la saga, on serait content. Allez, encore deux chansons. Un des Traveling Wilburys, ça sera She's My Baby. Et on terminera avec What Goes Around, l'excellent Ringo Starr, qui mériterait d'avoir son album de la semaine, et puis qui mériterait qu'aurait pu sortir avec les Beatles. Cette chanson-là, je le maintiens parce que je trouve que c'est totalement vrai. Rock'n'roll sur RG. Ces chansons-là, cette chanson-là, à l'instant-là, celle qui va passer, What Goes Around, je l'aime. Extrait de Time to Time, ça dure 5 minutes 30 et des poussières, et ce sera la dernière chanson de la saga. Yeah, yeah, what goes around comes around. your heart to the promised land. But the girl had a plan, and she left me there for another man. Well, everybody plays the fool now and then, but no exceptions to the rule that it all evens out in the end. C'est fini. Et Ringo, le métronome, on le réécoutera la semaine prochaine, puisque j'ai pris la décision. Cette chanson-là donnera l'album de la semaine. La semaine prochaine, ce sera donc Time to Time, parce que Ringo est malade et on lui souhaite un très bon rétablissement. Peace and love, Ringo, multiplié par 3. Ouais, parce qu'il dit toujours peace and love, peace and love, peace and love. Je vous laisse avec un gars qui pisse beaucoup et qui love aussi énormément. C'est Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt, salut.